Vas-y, Sharon, fais tes... C'est pas mal. Fais les toits, les accords. Vas-y, fais-les, je sais pas. Qui commence à s'impatienter. We'll be right back. Quand on glande. Moi, j'ai trouvé la gamme, c'est la première fois. Votre rayon de votre supermarché, vous trouverez une promotion rayon yaourt. Thank you. Thank you.